À CKRL 89A. C'est le moment de parler TI avec Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut Technologie de l'Information et Société. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Alors aujourd'hui, tu vas nous faire un retour sur le Forum mondial des sciences sociales 2013. Exactement, ça avait lieu à l'Action de grâce, en fait, donc il y a déjà un petit 2 semaines. Et je dois avouer, c'était une grande rencontre, une grande réflexion que les acteurs des sciences sociales d'ici et d'ailleurs s'étaient proposés. Un grand rendez-vous à Montréal. Et sous la thématique des sciences sociales et du numérique. Donc, d'essayer de se poser la question, ben où notre discipline en est face à ces nouvelles réalités-là. Et évidemment, ben je dois avouer, c'est un terme qui est venu m'accrocher. Évidemment, tout ça, et eux disaient, ben regardez, il faut s'y intéresser parce que ce sera à nous, gens des sciences sociales, à analyser, à comprendre, à décortiquer les éléments et les incidences qui ressortiront de ces nouvelles tendances-là. Et donc, de ce fait, il faut essayer de bien percevoir ce que sont actuellement, maintenant là, ces tendances, et s'y intéresser. Et à travers ça, ben beaucoup de réflexions, et évidemment la chronique d'aujourd'hui, en fait j'ai plein de notes éparses, on verra où ça nous mène. C'est beaucoup une espèce de mise à jour presque philosophique, j'ai envie de dire, face à cette réalité-là. Conférence d'Hervé Fischer, d'ailleurs, qui en cours de route met bien le tapis sur les réflexions que j'ai retenues de mon côté de ce Forum mondial des sciences sociales. Il dit essentiellement, regardez, le numérique, c'est pas seulement une continuité de l'évolution humaine telle qu'on la connaît depuis quelques milliers d'années. Non, c'est le début d'un âge véritablement nouveau. C'est autre chose, oui. C'est autre chose. Et il lui dit, ben regardez, on avait avant le silex qui a amené au feu, le feu qui a amené à la vapeur, qui a amené au nucléaire, qui a amené donc à toutes sortes de formes d'énergie. Donc lui, il disait, regardez, les derniers millions d'années, c'était l'âge de l'énergie. Et aujourd'hui, avec le web, on est en train de développer un nouveau silex qui serait le numérique, et donc un nouvel âge dans lequel on est essentiellement et on serait dans les premières secondes. Mais donc, quand on parle de l'ère du numérique, finalement, c'est pas si faux que ça. C'est une expression qui a quand même beaucoup de sens, là. Qui a beaucoup de sens et qui semble avoir beaucoup de sens pour plusieurs des chercheurs qui étaient présents là-bas. Il y avait M. Fischer qui disait justement, on est dans cette nouvelle ère-là. Il y en avait d'autres qui abondaient un peu de la même façon et qui disaient, mais parce qu'il faut pousser plus loin. Selon eux, il faut pas simplement se contenter de dire, on est à une nouvelle époque, mais il faut aussi percevoir ce que le fait d'être à une nouvelle ère implique. Et dans la mesure, en fait, quand on pense les choses, on les pense avec un certain biais, avec une certaine perspective, avec la perspective de notre formation, avec la perspective des concepts, des thématiques, des approches, des définitions qui sont déjà disponibles. Et il y avait beaucoup de chercheurs qui disaient, regardez, on peut pas, dans le contexte d'une nouvelle ère, dans le contexte d'une nouvelle réalité, on peut pas prendre un concept qu'on appliquait à l'âge des médias, à l'information médiatique, qu'on attriquait au niveau du tribalisme, qu'on appliquait au niveau de différentes réalités liées aux dernières années, aux dernières centaines d'années, il faut, à ce stade-ci, essayer de développer des nouveaux concepts pour mieux définir, pour mieux qualifier et de facto pour mieux comprendre les réalités auxquelles on est confronté. Mais encore là, quand une nouvelle ère a commencé, on n'a peut-être pas essayé de voir qu'est-ce qui allait venir. C'est le fait que, attends là, cette ère du numérique-là arrive maintenant avec la connaissance qu'on a, fait aussi qu'on se dit, bon, ben là, faut essayer de prévoir ce qui s'en vient. Mais auparavant, on n'a peut-être pas fait ça non plus. On a juste laissé aller, on s'est laissé guider. Ben en fait, pour reprendre les propos de M. Fischer, on est encore aux premières secondes. Donc, au bout du compte, c'est super nouveau. On sait à peine ce qui s'en vient. Et déjà, ce qu'on sait, au bout du compte, c'est que le changement risque d'être en profondeur, que des concepts qui nous pensaient acquis, qu'on pensait acquis, que des dichotomies peut-être qu'on pensait évidentes, ne le sont peut-être pas. Et il y avait une chercheure, en fait, Claire Robert Maris, qui travaille sur un collectif qui s'appelle Unlife Manifesto. Je mentionnerai peut-être le manifeste lui-même tout à l'heure, mais qui, elle, disait, exemple, la notion de vie privée. Quand on regarde la définition de vie privée d'il y a plusieurs années, donc le concept qui est habituellement utilisé, et qu'on essaie de l'appliquer à la réalité du web d'aujourd'hui, déjà, c'est un non-sens. je veux dire, toute la notion de protection de la vie privée, d'informations personnelles, de cercle de diffusion, etc. Et on en parle sporadiquement ici dans les chroniques. Alors, je trouvais que ça résonnait quand même assez bien, du moins de mon côté. Eh bien, ça s'applique plus. On peut plus, selon elle, envisager la notion de vie privée comme étant simplement une approche qui est liée au bien, qui est liée au mal, donc une approche bonne ou mauvaise, parce que c'est plus du tout le même contexte de diffusion, c'est plus du tout non plus le même objectif de diffusion, et c'est pas du tout les mêmes conséquences non plus qu'il y avait nécessairement il y a peut-être 10, 20, 30 ans seulement. Là. Mais j'avais l'impression que le concept de vie privée avant, c'était peut-être plus une question de pudeur. Du genre, ça, c'est ce qui se passe, par exemple, dans mon appartement, dans ma maison, ça regarde pas les autres. Mais là, ça devient presque vital parce que se faire voler ces informations de vie privée, on devient un outil, par exemple, pour le marketing, on peut se faire voler notre identité carrément. Ça a pris une toute autre ampleur. Et en fait, ça amène deux questions. En fait, la première question, c'est justement, dès qu'on parle de vol de vie privée, elle amenait ça, elle disait, il y a comme un fatalisme, un misérabilisme. On a comme pas le choix d'un côté de mettre ces informations-là en ligne ou mettre certaines informations en ligne. Et il y a toujours le risque, toujours l'épée de Damoclès par-dessus nos têtes sur l'idée qu'on va se les faire voler. Donc ça c'est présent. Mais elle dit, ben regardez, est-ce que ça l'est tant que ça? D'un côté. Donc, il faut quand même se le demander. Est-ce qu'il y a une dimension de paranoïa? Est-ce qu'il y a une dimension de compréhension de la notion d'information qui est plus nécessairement la même? Elle apporte pas de réponse, mais elle soulève le questionnement. Et parallèlement, elle dit, mais de ça, ce qu'il faudrait retrancher, c'est peut-être même revenir un peu plus en arrière, reculer. Pas se limiter à la notion de vie privée, telle qu'on l'entend actuellement, mais peut-être demander plus largement d'un côté, qu'est-ce que c'est l'information publique, qu'est-ce que c'est l'information privée aujourd'hui? Ce qui était privé il y a 20 ans ne l'est plus nécessairement en 2013 et ne le sera probablement pas en 2020, selon les évolutions, selon les tangentes. Donc, elle dit, ben d'un côté, il y a peut-être une notion de définition à définir, à redéfinir, en fait. Et parallèlement, ce qu'elle disait, et je trouvais ça intéressant, c'est l'idée que la vie privée devient, ou de l'information fait qu'on considérait privée jusqu'à, et encore aujourd'hui en fait, dans mon cas, j'ai encore ma petite gêne, cette information-là est peut-être le cœur, le pétrole de cette nouvelle ère liée au numérique, parce qu'on parle beaucoup de data, de big data, donc d'information, publicité ciblée, etc. Et donc, il y a cette idée que à partir de nos informations personnelles, ben, on réussit à créer notre, entre guillemets, double digital. Donc, dans le fond, on a un soi digital qui est là, qui est présent, pour lequel on génère de l'information qui représente une partie de nos intérêts, la partie qu'on souhaite diffuser de nous-mêmes. Ben, en fait, de soi quantifié, soi digital. Ça. Oui, j'aime ça. Et donc, elle dit, au bout du compte, ces éléments-là viennent peut-être à mieux définir donc qui sont les consommateurs d'aujourd'hui, et de ce fait viennent animer ce qu'elle appelle, et j'ai apprécié le concept, une économie de l'attention. Dans la mesure où on parle, on carbure plus nécessairement autant à l'énergie qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de la publicité, de l'information et Internet en regorge. Et donc, l'idée qu'on part avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure de tout lire, on n'est plus en mesure de tout savoir, parce que juste, ça nous dépasse complètement tout ce qui est émis. Donc, il faut bien s'orienter sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on lit, et il faut, au bout du compte, que la publicité aille mieux nous rejoindre là où on est, mais également nous rejoindre en nous offrant du contenu qui va nous intéresser véritablement. Parce que, comme consommateur, comme on a un temps d'attention qui est limité, eh bien, on ne sera pas nécessairement en mesure de tout lire ce qui nous est proposé non plus. Et de ça, il découle même un autre concept en disant, justement, au niveau publicitaire, par exemple, il y a beaucoup de pollution qui est lancée, qui est générée, qui est proposée. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire une écologie de notre attention pour s'assurer, justement, qu'on reste centré sur ce qui nous intéresse vraiment ou sur des propositions qui vont véritablement nous intéresser plutôt que d'avoir plein de lumière partout quand on essaie de regarder en ligne droite? Donc, de quelle manière on peut travailler autour de cette économie de l'attention? Mais t'en parles, mais on s'adapte juste à penser à Facebook. Bon, on a instauré les publicités à même le fil, mais on vient à les reconnaître aussi et à ne plus les lire. On s'adapte à ça. On s'adapte à ça et nécessairement, ça veut dire aussi que pour les publicitaires, ben, faut constamment essayer de développer d'autres choses, d'autres concepts pour justement nous rejoindre avec un contenu qui nous intéresse pour vrai. Pour l'instant, on essaie d'y aller un peu peut-être avec nos relations, avec, bon, des intérêts quand même. On est toujours surpris à quel point la machine, entre guillemets, est en mesure de nous connaître. Des fois, nous catégoriser d'une façon à travers laquelle on se catégoriserait pas nécessairement non plus. Donc, c'est intéressant de voir ces orientations-là en lien avec la notion de vie privée. Et c'est intéressant de voir aussi quel genre d'informations on est prêt à partager. Ce que je mentionnais, la notion de soi quantifié, ils en ont parlé aussi là-dessus. Et pour eux, ça devient, en sciences sociales, un objet d'étude quand même assez intéressant dans la mesure où on a de plus en plus, bon, pour l'instant, c'est beaucoup utilisé pour la perte de poids, par exemple, pour l'exercice physique, pour l'alimentation. C'est là où on a des besoins, on a des clientèles qui sont présentes et c'est pour eux qu'on développe. Et donc, on a, par exemple, des propositions de petits outils, petits appareils qu'on peut lier au téléphone intelligent, qu'on peut se placer sur soi, des petites puces, des trucs comme ça, qui vont prendre des mesures du nombre de pas qu'on fait, du nombre de calories qu'on passe, de notre poids, de notre rythme cardiaque, etc., etc. Donc, c'est de l'information comme ça qui est générée. Et l'idée de ce type d'outil-là, du point de vue des marketeurs, donc du point de vue des vendeurs, c'est de créer un réseau de partage de ces informations-là, parce que on y va du principe qu'on est peut-être un peu plus prêt à faire des efforts si on est en mesure d'être comparé avec les autres. Donc, au niveau de la perte de poids, par exemple, et de l'exercice physique, ben, t'as la normale de tous ceux qui utilisent le service et il y a toi. Si t'es en dessous, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu te bottes les fesses un peu. Si t'es en haut, ben, t'es content. Ça devient une petite satisfaction. Et subitement, ben, pour avoir ce résultat-là, t'es prêt à partager énormément d'informations. Je veux dire, ton rythme cardiaque, tes pas, tes calories, etc. C'est quand même pas rien. Et de là, il y a d'autres types d'applications qui sont développées. Il y en a une où, on nous propose à chaque jour de donner une note à, notre journée. Donc, comment on a évalué notre appréciation de notre journée? Comment on l'a vécu? Comment on l'a ressenti? Est-ce que tu l'as ressenti plus comme un 6 sur 10? Comme un 9 sur 10? Comme un 4 sur 10. Et encore là, c'est de l'information qu'on partage. Et on est en mesure de voir, de manière générale, la journée peut-être de 50 000 personnes. Et nous, ben, est-ce qu'on a été plus déprimé, plus joyeux? Et sur une tendance plus globale, un peu comme la perte de poids, est-ce qu'on est toujours un peu plus déprimé que la majorité des gens? Toujours un peu plus joyeux? Ou est-ce qu'on est dans la moyenne? Si on est en bas, ça amène des questionnements. Si on est en haut, ça amène d'autres questionnements. Ben oui, c'est ça. Mais c'est subitement, on se retrouve avec des possibilités d'un regard comparé sur nous-mêmes. Et parallèlement, à travers ça, ben, d'une capacité et d'un désir, au bout du compte, de partager ce type d'informations-là. Donc, c'est complètement fou. Mais j'aimerais faire le parallèle avec, tu parles de nouvelle ère. Bon, ça, c'est une manière de se comparer. Avant, chacun pouvait rester, par exemple, dans des villages, dans des maisons assez isolées. On ne pouvait pas se comparer avec les autres. Après, sont venus les moyens de transport. Alors, on a pu aller d'une place à l'autre et se comparer. Et là, ça devient encore plus rapide, finalement, avec l'outil qui est Internet. Exactement. Et tout ça, en fait, c'est des applications, bon, que je donne quelques exemples, mais évidemment, au colloque, au Forum mondial des sciences sociales, il y en avait beaucoup plus. Donc, de ces possibilités-là, quel impact ça pourrait avoir sur la démocratie? Parce que subitement, on est en mesure d'aller solliciter les gens peut-être un peu plus directement, peut-être au jour le jour. Donc, qu'est-ce que ça peut amener? De quelle manière on peut enrichir le système démocratique grâce à ça? Parallèlement, on parlait de nouveaux concepts tout à l'heure. Donc, l'idée de redéfinir des réalités, c'est vrai pour la vie privée, c'est vrai pour la politique, c'est vrai peut-être aussi pour la culture. C'est quoi la culture aujourd'hui? Dans un contexte d'une société hyper connectée où, grâce à mes appareils, grâce à mes réseaux, j'ai accès à peu près n'importe quel artiste, dans à peu près n'importe quel contexte, ben de quelle manière je peux, en tant que consommateur, trouver les musiques qui m'intéressent? De quelle manière, en tant qu'artiste, je peux les diffuser? Mais également, de quelle manière, en tant qu'État, je peux favoriser le développement, la pérennité de ma culture? Dans un contexte où, de facto, on est mondialisé, il y avait une conférencière de l'UQAM qui disait, mais on est arrivé à un nouveau paradigme, à un paradoxe où, pour les gouvernements autant que pour l'artiste, on doit en même temps s'intéresser à un développement local, parfois hyper local, et en même temps développer pour la planète, via le web, via les réseaux sociaux. Mon Dieu, vous avez parlé de tout ça dans la fin de semaine? Oui. Ouais, il y a de quoi discuter longtemps et il y a de quoi... Il y a de quoi réfléchir et ça donne toujours un petit coup comme ça. Et j'ai comme envie de dire, ben, d'un côté, en fait, tapez sur Google, il y a Manifest on Life, donc online, mais avec life à la place de line. Donc l'idée qu'on est à l'ère de l'hyperconnectivité, c'est quoi les incidences? C'est la Commission européenne qui réfléchit à ça de son côté, qui essaie de redéfinir des politiques. Et ça, c'est, je trouve que c'est un bon élément de conclusion où on va retrouver un peu l'essence des débats, des discussions qu'il y a eu au cours de cette fin de semaine-là. Et sinon, je retiendrai, si on veut les résumer en une phrase, on est à une ère nouvelle, donc il faut faire du neuf, il faut revoir nos concepts, il faut revoir les politiques qui sont liées à ces concepts-là. Il faut revoir un peu tout, hein? Sauf une recette de pâté chinoise, un peu. En tout cas, la garde. Raymond, en terminant, tu nous invites à une conférence qui s'en vient. Oui, le mardi 5 novembre prochain, donc la semaine prochaine, on a le plaisir de recevoir à l'Université Laval le directeur de production du Moulin à Images, Mario Brien, qui va nous présenter une espèce de bilan, un bilan technique et un bilan technologique. On sait que c'est un appareillage qui a eu des records quand même assez faramineux là en termes de quoi, c'est 27 projecteurs vidéo, 329 haut-parleurs, 238 appareils d'éclairage. Donc juste au niveau de l'équipement, c'est déjà hallucinant. Ouais. Donc comment on relie ça et comment on arrive à créer la plus grande projection au monde? Donc, d'un point de vue technique, d'un point de vue technologique, il a fallu qu'ils inventent des nouveaux dispositifs, il a fallu qu'ils inventent des nouveaux raccourcis pour relever les défis. Donc, quels défis, quelles solutions? C'est ce que Mario Brien va exposer. C'est une conférence gratuite. Donc, je le rappelle, mardi 5 novembre, c'est à 11h30, donc sur l'heure du midi, à l'atrium Jean-Guy Paquet, donc l'atrium du pavillon Alphonse Desjardins. On vient simplement sur le campus. Les autobus se rendent là, c'est pas compliqué. Donc, à 11h30, le 5 novembre, au Desjardins. Et on peut retrouver l'information sur le site ainsi que les chroniques qu'on fait ensemble. itis.ulaval.ca